Vous attendez le bus depuis longtemps ? Oh oui, depuis un bon moment. Ça fait bien 10 minutes que je suis là. Mais vous attendez quel bus ? Le 28. D'habitude, il passe toutes les 5 minutes. Ah, le 28, il est passé il y a 1 minute. Moi, c'est le 37 que j'attends. Tiens, l'affichage électronique marche à nouveau. Regardez, le 37 arrivera dans 2 minutes et le 28 dans 4 minutes.